C'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus pour la deuxième émission de Chacun sa voix. Il y a quelques mois, Chris et moi avons eu l'immense honneur d'interviewer Benoît Hallemann, qui est connu pour être une des voix françaises de l'acteur Morgan Freeman. Nous avons pu faire connaissance avec l'homme qui se cache derrière la voix de. Il nous a parlé de l'ensemble de sa carrière avec un CV plutôt bien rempli. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose avec Jean-Pierre Michael. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, merci, ça va très bien, et vous-même? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nos auditeurs? Oui, alors, donc je m'appelle Jean-Pierre Michael, je suis comédien depuis un petit moment déjà. J'ai commencé ma carrière de façon très classique avec des études en cours privé, ensuite au cours Florent à la classe libre, et puis ensuite au Conservatoire National d'Art Dramatique, ensuite un parcours classique de théâtre avec la Comédie Française, et en même temps, parallèlement, des tournages. Du doublage, puisque c'est pour ça que vous m'interrogez aujourd'hui, et voilà, tout ce que les comédiens ont la chance de pouvoir pratiquer régulièrement quand ils travaillent. Votre voix est l'une des plus connues et des plus reconnaissables dans le monde du doublage. Vous êtes une des voix françaises de Brad Pitt et d'autres acteurs internationaux comme Keanu Reeves, Ethan Hawke et bien d'autres personnes encore. Votre CV est aussi bien rempli en tant que comédien de doublage, mais pas que. De par cette émission, nous allons découvrir ensemble toutes vos différentes casquettes, à savoir comédien, comédien de doublage, acteur, voix off, directeur artistique aussi, et vous êtes un ancien membre de la Comédie Française, comme vous l'aviez dit juste avant. Pour commencer, nous allons parler de votre casquette de comédien de théâtre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur scène ? Alors, c'est assez simple, c'est-à-dire que je suis issu d'une famille de comédiens, puisque mon père était comédien, qu'il était principalement au théâtre et beaucoup à la télé aussi à l'époque, c'était la génération précédente des années 70, 80, et donc j'ai été nourri par ça, j'ai vu des spectacles, j'ai eu cette chance d'être baigné là-dedans, et ça m'a toujours fasciné. Et je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui m'a plu ? Et je crois que, aussi bête que ça puisse paraître, plus que de le voir lui, c'est le fait, moi, à l'école, d'avoir eu un spectacle d'école ou un truc comme ça. Et j'ai pris un tel plaisir à le jouer, petit spectacle qu'on fait tous de 10 minutes à un quart d'heure devant les parents d'élèves. J'ai pris un tel plaisir et j'ai ressenti une telle émotion que j'ai toujours recherché à nouveau cette émotion-là et que le théâtre est la seule discipline qui me permet de recréer cette émotion-là. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène ? Aucun. C'est mon rituel à moi, c'est de n'en avoir aucun. Je suis pas superstitieux, je sais qu'il y a plein de gens qui font 10 000 choses avant de monter en scène. Je les ai vus agir de toutes les formes et ça m'angoisse d'avoir des boulets aux pieds de ce style. Non, je fais confiance à la vie, à mon travail et donc je n'ai aucune chose comme ça. Et est-ce que vous avez le trac avant de monter sur scène ? Absolument. Vous avez été membre de la Comédie Française de 88 à 2005. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça ? Alors oui, j'ai eu cette chance-là, puisque j'étais au conservatoire à l'époque. Et on est venu me chercher pour faire des répétitions au départ. Je ne devais pas jouer. Ils cherchaient des élèves du Conservatoire National pour pouvoir faire des répétitions d'un spectacle qui s'appelait Nicomède, mis en scène par Françoise Seignier. Et un des comédiens ne pouvait pas répéter. Il venait d'avoir un accident, donc ils avaient besoin d'avancer sur le spectacle et de répéter malgré tout. Donc ils ont fait appel, ils ont fait un casting parmi les élèves du conservatoire. J'ai eu la chance d'être pris et j'ai commencé ces répétitions en me disant j'ai la chance énorme d'être dans une salle de répétition avec des grands professionnels et donc d'apprendre mon métier beaucoup plus que au conservatoire même. Puis voilà, je verrai ensuite le résultat avec les autres sur scène. Et il se trouve que finalement, la personne que je devais remplacer n'a jamais pu reprendre le spectacle et qu'on me l'a confié directement, ce qui n'était pas du tout prévu. Et je me suis retrouvé du coup en tant qu'élève du conservatoire à jouer sur la scène de la Comédie Française avec Jean-Pierre Bouvier, Christine Fersen, Martine Chevalier et d'autres. Ça a été mon premier grand spectacle dans une tragédie mise en scène par Françoise Seignier. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là et ensuite les choses se sont enchaînées. Antoine Vitesse m'a finalement fait la confiance de m'engager en tant que pensionnaire et j'ai eu la chance de jouer avec des metteurs en scène tous plus merveilleux les uns que les autres et une maison absolument splendide dans ce qu'elle a de qualitatif, de qualité de travail, de moyens pour le faire, et de comédiens et d'une troupe absolument impeccable. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là de me former pendant 17 ans dans cette merveilleuse maison. Durant cette période, vous avez joué beaucoup de grandes pièces classiques, comme vous le disiez, écrites par Molière, Victor Hugo et même William Shakespeare. Ces grands auteurs ont créé des histoires avec des personnages assez forts. Des pièces comme Le Misanthrope, Le Roi s'amuse, Hamlet a été joué par beaucoup de comédiens avec des interprétations différentes de personnages qu'ils jouaient sur scène. Comment vous êtes-vous approprié le rôle qui vous avait été attribué pour une pièce ? Mais ça, c'est le travail vraiment du théâtre et de ce qu'on fait pendant des répétitions. C'est grâce au metteur en scène et à sa vision du spectacle, on en parle. On travaille à la table, on répète les répliques, on échange entre partenaires pour se donner des idées, des intentions. Et puis voilà, le rôle se construit comme ça, avec ce que nous, on a envie d'y mettre, mais aussi ce que le metteur en scène veut y voir, ce que les partenaires nous offrent, et donc ce qu'on doit répondre par rapport à ça. Et c'est une sorte de travail, d'échange permanent, en fait, qui prend tout le temps des répétitions, c'est-à-dire entre, suivant les productions, un mois et demi et deux mois et demi, pour arriver à un spectacle à la fin qui représente exactement la volonté de tous et en général, j'espère, de qualité. Et durant cette période, vous avez été mise en scène par le grand Francis Huster. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah ben Francis, c'était avant la Comédie Française, puisque Francis était mon prof au cours Florent, à la classe libre du cours Florent, et que il avait monté un spectacle à ce moment-là qui était Don Juan, avec Jacques Weber, Fanny Ardant, Isabelle Nanty et d'autres. Et donc il avait pris parmi ses élèves, des comédiens pour remplir les autres petits rôles de ce spectacle Don Juan. Et donc, j'étais vraiment élève. C'était mes tout débuts. Et il m'a fait cette confiance-là énorme de nous mettre sur la scène du rond-point, comme ça, avec ses grands professionnels aussi. Pendant plusieurs mois, on l'a joué 4 ou 6 mois, je ne me souviens plus exactement, mais c'était absolument incroyable, quoi, me retrouver devant des salles combles chaque soir avec Jacques Weber en face de moi et pouvoir avoir ce travail-là. Donc, on l'avait comme professeur et on l'avait comme metteur en scène et on a pu échanger, partager. Et j'ai vécu cette aventure-là qui m'a donné le « là » pour la suite. Est-ce que vous avez été impressionné la première fois que vous les aviez vus ou pas ? Absolument. Vous savez, quand on commence ce métier, il y a quelque chose qui est assez sacré, c'est de monter sur un plateau. Ce qui ne veut pas dire monter sur un plateau comme ça, mais monter sur un plateau avec du public devant soi. Quand vous êtes sur scène, que vous avancez sur scène sous des lumières, avec une musique et une salle de 800 personnes assises dans un silence qui vous écoute et vous regarde, vous entendez le bruit de cette écoute. Et c'est extrêmement impressionnant parce que vous êtes le centre du regard de ces 800 personnes. Et donc il faut ensuite être à la hauteur de ça. Donc c'est une responsabilité importante. Tous vos camarades reposent sur vous. Et c'est une chose qu'on doit apprendre, maîtriser, dominer et développer pour le transcender. Donc voilà, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et pour un jeune comédien encore plus, quand on ne sait absolument pas de quoi il retourne et qu'on découvre ça au fur et à mesure. Et si jamais vous avez oublié quelques parties de votre texte, est-ce qu'il y a toujours des souffleurs ? Alors à la Comédie Française, on avait un régisseur souffleur qui est sur la gauche. Avant, ils étaient, vous savez, dans la petite cahute. On voit ça dans certains vieux films, dans une petite trappe devant la scène. Maintenant, ça n'existe plus. Et il y en a toujours un à la Comédie Française, parce que ça coûte cher, c'est un poste important. Il y en a toujours un en coulisses qui suit le spectacle et qui, au cas où, relance et donne le texte si jamais on a un problème. Mais heureusement, ça arrive quasiment jamais. Mais dans le théâtre privé, dans lequel je joue actuellement ou dans d'autres pièces, ça n'existe pas. Donc on se retrouve avec des vrais trous qui existent. Le spectacle que je jouais avec Huster, Don Juan, il n'y avait pas de souffleur. Donc comment ça se passe ? Eh ben, soit nos camarades arrivent à reprendre le dessus et répondent à votre place ou trouvent d'autres phrases pour pouvoir rebondir, ou alors vous êtes embêté et vous êtes seul au monde. Mais en général, c'est ce qui fait qu'on et des professionnels, c'est qu'on arrive à s'en sortir en improvisant, en faisant autre chose. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez un fou rire dans ces moments-là ? Ah, les fous rires arrivent souvent sur scène, bien sûr. Ça dépend de ce qu'on joue, évidemment, mais ça peut être très simple de tomber et d'avoir envie de rire dans certaines positions, bien sûr. Que ça soit la comédie ou la dramaturgie, dans laquelle de ces deux registres est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise sur scène ? Je pourrais pas dire dans lequel je me sens le plus à l'aise, mais celui que je préfère, celui qui m'épanouit le plus, je crois que c'est la comédie. C'est celui qui me nourrit parce que j'ai le retour direct du public. La comédie, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est que vous faites quelque chose, si c'est pas drôle, personne ne réagit. Si c'est drôle, vous avez une réaction immédiate et vous l'entendez, vous la sentez, ça vous porte. Mais si ça n'est pas drôle, si vous n'êtes pas bon, si le spectacle n'est pas bon, là vous vous épuisez parce que tout ce que vous faites tombe à plat et c'est une catastrophe. Donc c'est une chose que j'aime beaucoup, C'est la comédie parce que quand ça fonctionne, c'est un tel bonheur que c'est inégalable. Vous avez joué avec des comédiens qui avaient plus d'expérience que vous. Est-ce que certains d'entre eux vous ont donné des conseils pour améliorer votre jeu ? Oui, mais c'est pas pour améliorer le jeu en général. On n'est pas là pour dire c'est pas bon ce que tu fais, fais ci ou fais ça, mais ce sont des conseils soit de technique, de respiration, de projection, soit de rythme, soit de coupe-moi avant, fais ceci, fais cela. Enfin, ce sont vraiment en général des conseils qu'on se donne, ou des demandes même qu'on se donne pour pouvoir rebondir plus facilement dans une scène par rapport à ce qui est en train de s'y passer. Et pourquoi est-ce que vous avez quitté la Comédie Française ? Ben parce que j'y suis resté 17 ans et que j'avais vraiment envie de tourner, de faire autre chose. J'étais sur scène à peu près 200 à 220 fois par an le soir, et donc j'avais des enfants que je ne voyais quasiment pas, une vie totalement prise entre les répétitions et les représentations. J'avais besoin de changer, et donc il était temps pour moi de passer à autre chose. La Comédie Française, c'est magnifique, mais c'est aussi un endroit extrêmement fermé qui n'existe que là où il est, et donc j'avais envie de rayonner un petit peu ailleurs et de me nourrir d'autres choses pour mon métier. Je ne voyais pas faire ça jusqu'à ma retraite enfermée à la Comédie Française. Et de toutes les pièces dans lesquelles vous avez joué, laquelle vous a le plus plu et vous a le plus marqué ? Je crois que c'est une pièce moderne de Tom Stoppard qui s'appelle Arcadia et que j'avais joué au Théâtre du Vieux Colombier. Et c'était quoi l'histoire ? C'était une histoire assez incroyable qui se passait sur deux générations dans la même maison en fait. Et donc les personnages de 1800 et quelques croisaient les personnages de 2000 et quelques à ce moment-là. Et les deux histoires se communiquaient bizarrement dans l'espace moderne. Ils parlaient de cet espace ancien, de ce qui s'était passé. Dans l'espace ancien, on voyait la réalité de ce qui s'était passé. C'est une construction dramatique qui est assez fascinante et c'était extrêmement plaisant à faire. Je voulais partager une citation de Jules Renard avec vous qui dit que pour faire du théâtre, il faut l'enthousiasme du mensonge. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr. On est évidemment en train de mentir tout le temps au théâtre puisque on vous propose une histoire qui n'existe pas ou qui est réécrite. Donc on est dans le mensonge, mais le but de ce théâtre et de ce mensonge, c'est de que vous y croyez. Donc il faut beaucoup d'enthousiasme et il faut transcender ce mensonge pour qu'il soit une réalité, en tout cas celle du moment. Donc oui, bien sûr. Une autre citation de Nils Arelstrup qui lui dit que une scène de théâtre est le seul véritable endroit où on peut jouer en se libérant totalement. En cinéma, on est comme un cheval qui ferait du manège, tandis que au théâtre, on est un cheval en liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'au cinéma, ce qui prime d'abord, c'est la technique. Il faut que les lumières soient bien, il faut que la caméra soit bien, il faut que le preneur de son soit bien, il faut que tout le monde soit au bon endroit. Et une fois qu'on dit action, il faut que le comédien fasse le truc pour que tout le monde les suive. Mais le comédien, si tout d'un coup l'éclairage est pas bon, le son est pas bon, la perche rentre dans le champ, etc., il compte plus, on est obligé d'arrêter, on recommence pour la technique. Alors qu'au théâtre, une fois que le rideau se lève, il n'y a plus personne d'autre que le comédien qui est en scène, en fait. Il n'y a plus personne que lui, il peut faire ce qu'il veut, il peut crier tout d'un coup, même le metteur en scène ne peut plus rien dire, sa liberté est totale et entière, plus personne ne peut l'arrêter jusqu'à la fin du spectacle. Donc c'est vrai qu'au cinéma, en plus on tourne souvent par petits bouts une séquence, c'est-à-dire les répliques de l'un avec la caméra sur lui, et puis ensuite on retourne la même scène de l'autre côté pour voir l'autre, etc., etc. Donc il y a un petit côté en effet très fermé, quoi, qui s'arrête assez vite et qui empêche d'aller jusqu'au bout des pensées. En général, avec en plus un texte qu'on apprend la veille pour le lendemain, donc il est moins nourri de ce qu'on fait au théâtre quand on le joue chaque soir, quoi. Donc oui, c'est une grosse différence entre le théâtre et le cinéma, c'est vrai. Et est-ce que le fait de devenir quelqu'un d'autre, d'avoir une nouvelle personnalité le temps d'une représentation, est-ce que ça peut être un exutoire pour un comédien ? Oui, sans doute. Ça ne veut pas dire qu'on se perd pour être quelqu'un d'autre. Moi, jamais, ça m'est arrivé de me dire, tiens, je suis un roi ce soir, et je me sens roi ou quoi que ce soit. Mais par contre, ça fait beaucoup de bien psychologiquement parce que on fait vivre des émotions qu'on ne vit pas forcément et heureusement dans notre vie de tous les jours. Et on va dans l'extrême de ces émotions-là et que il y a une forme de catharsis, de purgatoire de ça qui permet de se libérer de beaucoup de choses, de crier, de sortir de soi, Ouais, ça fait du bien. On a une fatigue après qui en général est une bonne fatigue. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire des pièces de théâtre ? Ah, j'adorerais, mais je n'en ai absolument pas le talent malheureusement et j'admire beaucoup ceux qui l'ont. Et si ça avait été possible, est-ce que ça serait plutôt comique ou dramatique ? Ça serait un mélange des deux. D'accord. Ça serait vraiment comme ce que peut faire Alexis Michalik, qui a beaucoup de talent dans ce style-là. C'est un mélange de, vraiment de, d'émotion et de simplicité, de drôlerie aussi. Voilà, parce que je crois que c'est ce qui est le plus important et c'est ce que les gens viennent chercher au théâtre, c'est les émotions, quelles qu'elles soient, donc leur en donner le plus possible. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter sur votre carrière de comédien de théâtre ? Oh, j'ai une petite anecdote, mais qui a été assez violente sur le moment, mais qui aujourd'hui paraîtrait presque normale. Je jouais donc en 1900, ça devait être quoi, à la fin des années 90, les téléphones portables venaient d'apparaître et les gens les maîtrisaient assez mal. Et donc je jouais à ce moment-là une tragédie qui s'appelait Rodogune, mise en scène par Jacques Rosner avec ma camarade Cécile Brune sur scène. Et il y a quelqu'un qui a eu, vous savez, la Comédie Française, c'est une salle de 800 places. Et dans une tragédie, en général, quand vous êtes à un paroxysme d'émotion, il n'y a pas une mouche qui vole, quoi. On n'entend rien et tout d'un coup, il y a un portable énorme qui vient résonner dans ce texte de Corneille de 1675. Et ça fait très violent à entendre, surtout quand la personne ne l'arrête pas et ne sait pas l'arrêter. Donc le truc sonne 5 fois de suite. Donc vous essayez de rester concentré sur ce que vous faites, mais ça recommence juste après parce que l'autre essaye absolument de joindre cette même personne. Et donc pendant 5 minutes, vous avez un téléphone portable et tout le monde qui commence à faire « Oh, c'est arrêté, ou ça ?» Au bout d'un moment, j'ai dû faire baisser le rideau parce que ça devenait insupportable. Donc je me suis avancé face à la scène et j'ai dit « S'il vous plaît, madame, sortez. » Allez éteindre votre téléphone, faites quelque chose, répondez, mais laissez-nous nous concentrer pour pouvoir reprendre. Donc on a dû fermer le rideau, les gens ont applaudi, et on a laissé passer 3 minutes, et on est reparti exactement là où nous étions pour finir le spectacle. Et ça a été un moment assez émouvant et impressionnant de sortir de cette émotion-là pour pouvoir rentrer dans le 20e siècle et repartir à nouveau dans le 17e juste après. Ah, le théâtre, ça vous a permis de voyager au niveau temporel, c'est bien ça, avec l'imaginaire, ouais. Est-ce que vous avez joué dans des pièces dernièrement ? Oui, la dernière pièce que j'ai jouée, c'était Le fil à la patte l'année dernière, qu'on a joué au Théâtre Héberto de Feydeau, qu'on avait déjà joué au Théâtre Montparnasse il y a 3 ans, juste avant le Covid. Et donc là, on l'a reprise au Théâtre Héberto. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de votre casquette de comédien de doublage et de voix off. On vous laisse avec une chanson de Jacques Brel, Orly. À tout de suite sur Radio Gémozo. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que 2. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que 2. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que 2. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent, et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu. Ils bavent quelques mots, agitent une vague main, Et brusquement, il fuit sans se retourner. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche. Avec ou sans Becco. Puis il disparaît, bouffé par l'escalier. Et elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour lui a dit: revoilà l'inutile, elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Jean-Pierre Miquel. Alors, comment est-ce que vous êtes tombé dans le monde du doublage, Jean-Pierre ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on est venu me chercher pour passer des essais. Ce que j'ai fait, Philippe Carbonnier, qui était directeur artistique, cherchait des voix, des nouvelles voix. Donc, j'ai été testé sur, je ne sais plus qui c'était, je crois sur Patrick Swayze à ce moment-là. Mais c'était vraiment pas pour le faire, mais pour tester sur un truc. Donc je ne connaissais absolument rien au doublage, ni à ce qu'était une bande rythmo et tout ça. Je me suis retrouvé un petit peu paumé, mais j'ai trouvé ça extrêmement grisant. Et malheureusement, j'ai eu absolument aucune nouvelle de lui pendant les 6 mois d'après. Donc je me suis dit, bon ben voilà, ça n'a pas marché, il n'a pas du tout aimé. Et il m'a rappelé un jour en me demandant si j'étais toujours intéressé pour en faire. Et je lui ai dit oui, avec plaisir. Et donc il m'a donné mon premier rôle, qui était un rôle secondaire, mais intéressant quand même, dans La Mutante. Un film des années, donc fin des années 90, pareil. Et à partir de là, ça s'est enchaîné de façon assez naturelle et facile, puisque je l'avais enregistré au studio Marcadet, que les directeurs du studio Marcadet étaient très contents de ce que j'avais fait, donc m'ont proposé sur d'autres rôles, et j'ai pu enchaîner comme ça et faire très vite des choses passionnantes. Est-ce qu'il est nécessaire d'être comédien pour devenir comédien de doublage ou pas ? Absolument. C'est absolument nécessaire parce que à partir du moment où vous êtes censé être la personne que vous voyez à l'écran qui elle-même est comédienne, il n'y a pas de possibilité autre que de savoir ce qu'elle fait, de comprendre ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, comment elle le fait, pour pouvoir tenter d'essayer de le reproduire. Est-ce qu'il faut passer des castings quand on est comédien de doublage ? Pour des rôles, bien voilà. Sûr, oui. On a, bien sûr, oui, on passe toujours des essais. Parce qu'on a besoin de savoir si la voix de la personne fonctionne bien avec l'idée qu'on a du rôle étranger, du personnage qu'elle a à doubler. Donc, ouais, il y a besoin de passer des essais. Alors, quelquefois, on n'a pas besoin parce que c'est un petit rôle et que le client laisse le directeur artistique faire ses choix. Mais souvent, il a besoin de confirmer les propositions. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de passer des essais. Ouais. Et justement, c'est quoi un directeur artistique ? Eh bien, le directeur artistique, c'est celui auquel le client délègue le développement artistique du doublage. C'est-à-dire que c'est la personne qui va faire l'interface entre le film original et la version française, en choisissant les acteurs, en étant le plus proche possible de la VO, en ne trahissant pas et en pouvant diriger les acteurs pour qu'ils soient vraiment au plus proche de l'émotion de l'acteur américain, anglais, c'est qu'il double. Et donc souvent, qu'ils sachent de quoi ils parlent, qu'ils puissent dire il regarde, il y a plus de ceci, il a, à la fin de la phrase, il y a cette émotion-là que tu en sous-entends dessous, il faut que tu me la rajoutes, etc., etc. Et en plus, il faut maîtriser la technique du doublage parce que souvent, il s'agit de rajouter des petits mots, de changer du texte, d'essayer de comprendre les choses différemment pour pouvoir adapter les choses à l'image réelle. Parce que les auteurs ne sont pas des comédiens souvent et sont des auteurs et donc c'est quelquefois un texte un peu trop parlé. Et donc, il faut aussi adapter ça au dernier moment pour que les choses soient plus fluides. Une fois qu'il a fait tout ça, il rend le bébé et le client est content parce qu'il a son film doublé avec qualité. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le doublage ? De doubler des bons comédiens. Comme parce que j'ai l'impression tout d'un coup de participer un peu à des films que je n'aurais pas l'occasion de tourner moi-même. Et c'est extrêmement agréable, ouais. Et c'est quoi une bande rythmo ? Une bande rythmo, c'est à peu près le même principe que le karaoké, c'est-à-dire que c'est le texte qui défile sous l'image et qui est synchronisé avec les mouvements de la bouche de l'acteur, avec des signes dessus de respiration, d'exclamation, d'onomatopée, de texte, d'alternative de texte, etc., etc. C'est en fait ce qui nous sert de support pour pouvoir jouer la scène. Ce qui me fascine, moi, dans le monde du doublage, c'est que vous devez adapter votre jeu en fonction de l'interprétation de l'acteur que vous doublez. Lui, il peut le faire passer des émotions avec sa gestuelle et son regard. Mais vous, vous n'avez que votre voix. Comment vous faites pour faire ressortir les émotions d'une scène ? Parce que vous ne voyez, ou vous n'entendez que notre voix. Mais nous, derrière la barre, on joue la même chose, en fait, que ce que vous voyez. C'est-à-dire, si la personne est en train de s'agiter, en train de hurler, en train de bouger, on fait exactement la même chose, nous, derrière la barre. Donc, vous avez une forme de schizophrénie avec un acteur ou deux acteurs qui, au lieu de se parler les yeux dans les yeux, en train de s'engueuler ou de se dire des mots d'amour, regardent tous les deux dans la même direction, c'est-à-dire l'écran, et jouent par contre la même chose. Et s'il y a une scène avec un ou autre comédien, est-ce que vous êtes dans le même studio ou est-ce que vous faites ça séparément ? Alors, avant le Covid, on était souvent plusieurs à la barre en même temps. Mais depuis le Covid et beaucoup aussi l'arrivée des plateformes, parce qu'elles aiment bien avoir des pistes séparées, malheureusement, on enregistre de plus en plus en pistes séparées. Ou alors, quand on est ensemble, ce qui arrive un petit peu à nouveau, et heureusement, malheureusement, on est obligé de ne jamais se chevaucher. Et dès qu'il y a un chevauchement, on laisse parler soit, soit ensemble pour des questions de mixage et tout ça. Vous êtes une des voix françaises de Brad Pitt. Comment est-ce que vous êtes devenue sa voix française ? Ben justement, à la fin des années 90, on m'a proposé dessus, donc j'ai été pris et ça s'est bien passé. Depuis, je le fais régulièrement et on me demande à chaque fois. Donc c'est comme ma voix doit coller, j'imagine, au personnage. Et j'ai cette chance-là, quoi, de le doubler à chaque fois maintenant. Vous avez prêté votre voix pour des films, mais pas que. On a pu entendre votre voix dans des séries, des téléfilms et même des jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Ben, mon métier me permet d'aller un petit peu partout et c'est le but du jeu. C'est-à-dire, je peux aussi bien faire des lectures de livres que des audio-descriptions, que des pubs, des jeux vidéo, etc. etc. Donc chaque exercice est différent, chaque exercice nécessite des qualités différentes, mais moi c'est ce qui me plaît, c'est de ne pas faire une seule et même chose, mais de diversifier ma pratique et la pratique de mon métier le plus possible. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir le faire un petit peu dans plusieurs disciplines à la fois. Personnellement, si je devais citer qu'une série à laquelle vous avez prêté votre voix, ça serait la série Doc. D'ailleurs, j'en avais discuté avec vous brièvement sur un de vos posts quand vous avez fait la promotion, je crois, de la saison 2. Ouais. Vous doublez la voix de l'acteur italien Luca Argentero. Je vais essayer de faire un bref résumé de la série pour ceux qui connaissent pas. Donc, c'est un chef de la chirurgie interne qui a reçu une balle en pleine tête. Il a survécu. Une fois qu'il est sorti du coma, il découvre qu'il a oublié les 12 dernières années de sa vie, que son fils est décédé et qu'il a divorcé de sa femme dont il était éperdument amoureux. Il va réapprendre à se relever après avoir tout perdu. Alors, cette série est d'autant plus touchante parce qu'elle est tirée d'une histoire vraie. Luca Argentero livre une interprétation bouleversante et vous aussi, je trouve. Comment est-ce que vous êtes rentré dans la peau vocale de son personnage ? Comme à chaque fois, c'est-à-dire j'essaye d'être au plus près de ce que l'acteur original fait. Et comme vous le dites, avec les bons acteurs, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Quoi. Vous êtes dans la même tonalité qu'eux et ça passe. C'est eux qui sont bons, surtout l'émotion qu'ils donnent. Sa présence, sa beauté, tout ça font que ça fonctionne. Le but pour moi ensuite, c'est de disparaître derrière. C'est de prêter ma voix, mais que vous puissiez même pas vous dire « Oh là là, c'est la voix d'eux, machin, etc. etc. » Donc voilà, tant mieux, c'est que c'est réussi et que j'ai réussi ce pari-là et c'était le but. J'ai vraiment adoré cette série et je la conseille à nos auditeurs. Mais c'est vrai, elle est bien, c'est une très bonne série. Ils sont en train de tourner la troisième saison, d'après ce que j'ai compris, donc j'espère qu'on l'aura bientôt aussi. J'allais vous poser la question, mais comme je sais que des fois vous pouvez pas parler de certains projets, j'ai pas osé poser la question. J'ai hâte. C'est officiel, je veux dire, il le tourne, donc on l'aura forcément, enfin j'espère, ici sur nos antennes à un moment ou à un autre. J'espère que vous resterez la voix française du personnage, parce qu'il y a certaines séries où il y a eu un changement de comédien, et du coup, ça ne donne pas la même dynamique, je trouve. Mais c'est rare, hein, à part vraiment si je disparaissais parce que tout d'un coup, je devais mourir ou autre chose. Il y a peu de chances pour qu'on me remplace sur une série comme ça, parce que c'est pas leur intérêt de le faire. Donc, il y a peu de chances que je sois remplacé là-dessus. Bah, je suis super contente, parce que j'adore votre voix. C'est gentil. Et sur tous les doublages auxquels vous avez participé, est-ce qu'il y a une scène ou un personnage qui vous a touché particulièrement ou pas ? Oh, il y en a tellement. J'ai beaucoup d'affection pour Benjamin Button, le film avec Brad Pitt, parce que je trouve que c'est cette allégorie de cette personne qui vieillit à l'envers en rajeunissant, en fait, et qui croise toutes les femmes de sa vie qui, elles, vieillissent normalement. Et donc, il n'y a qu'une seule période dans laquelle ils ont le même âge, en fait, et ils arrivent à se suivre à travers ça. Et donc, la grosse partie du film est en voix off et raconte cette émotion-là et cette façon de vivre les choses, et je trouve ça très, très beau. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs et de plaisir là-dessus. C'est vrai que c'est un très beau film, j'ai déjà regardé plusieurs fois et l'histoire est très touchante, je trouve. Ouais, magnifique. En tant que comédien de théâtre, vous êtes mis en lumière, mais en tant que comédien de doublage, vous êtes dans l'ombre. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Les deux sont nécessaires. D'accord. Pour ma santé, j'ai besoin des deux. J'ai envie, évidemment, si j'ai fait ce métier-là aussi, c'est que j'avais envie de reconnaissance. J'ai envie d'être un comédien apprécié pour ce que je fais et que mon talent soit reconnu. Mais je sais que aussi en tant que comédien, et en France en particulier, j'aurais jamais pu tourner tous les doublages que j'ai fait, tout ce que les gens ont fait, les Brad Pitt et autres, quoi, de toute façon. Donc j'ai cette chance-là, c'est que j'ai pu participer un petit peu à tous ces films-là, et même si c'est pas moi, je sais que je contribue quand même, malgré tout, à tous ces films cultes à travers le doublage. Et donc ça, c'est un vrai joie et une vraie fierté en même temps. J'ai vu qu'il y avait une petite actualité qui tournait ces derniers temps, c'est que les comédiens de doublage seraient remplacés par des voix artificielles ? Oui, c'est une question qui se pose beaucoup. On ne sait pas trop exactement où vont les choses aujourd'hui, mais les progrès de l'intelligence artificielle, mais en même temps très dangereux tant que personne ne peut les dominer ou les maîtriser et qu'on ne sait pas trop où vont les choses. On est au début de cette nouvelle ère qui ne concerne pas que le doublage d'ailleurs, qui concerne vraiment tous les métiers. Pour une fois, pas les métiers manuels de base, mais les métiers qui demandent un peu plus de qualité, de réflexion intellectuelle, d'études, etc. Et donc, ça va poser de vrais problèmes à beaucoup de choses. Et la voix est un des problèmes. On vient de le voir là avec, je sais pas si vous avez vu ça, mais ils ont fait faire un deepfake à Poutine qui annonçait des choses incroyables alors que c'était pas lui du tout et que c'était pas sa voix, mais ça a été refait par l'intelligence artificielle. Et donc, demain, c'est vrai que les comédiens de doublage probablement seront remplacés quand la technologie sera au niveau. Pour l'instant, elle ne l'est pas, mais ça va tellement vite que ça peut arriver rapidement, extrêmement rapidement. Donc, il est nécessaire de savoir ce que les États et ce que nous voulons faire en général, pas que pour le doublage, mais pour tout. Est-ce qu'on veut absolument être remplacé pour tout, ou est-ce qu'on veut que ça soit quelque chose qui aide, qui accompagne, qui soit utilisé dans certains cas, mais pas dans d'autres, etc., etc. Donc, c'est une vraie réflexion qui est en train d'être menée en ce moment, et j'espère que les pouvoirs publics vont pouvoir y prendre part rapidement aussi. J'espère que ça sera pas mis en place, surtout que ça mettrait des personnes au chômage, parce qu'il y a peut-être des comédiens de doublage qui font que ça. Bien sûr, mais encore une fois, ça ne concerne pas que les métiers de doublage. Même vous, à la radio, demain, ça sera beaucoup plus simple de mettre une voix. On va créer par ChatGPT toutes vos interventions, on va l'introduire dedans, et il y aura une animatrice automatique qui va lire le texte fourni par l'intelligence artificielle et qui va combler les trous et que les gens entendront. Ça sera ça aussi. Donc c'est quelque chose d'important et de compliqué et qu'il faut savoir faire. Il y a déjà des stations de télé qui font la météo avec ça, par exemple, avec des avatars totalement en intelligence artificielle. Ça existe déjà. Donc c'est forcément le futur. Maintenant, est-ce qu'on veut ce futur-là ou est-ce qu'on veut le contrôler et le mettre différemment ? On ne sait pas encore. Et c'est une réflexion qui doit être faite, pas seulement au niveau du doublage, mais vraiment au niveau intellectuel général, pour tout le monde, réglementer et protéger ou pas. C'est l'avenir de l'humanité là qui se joue dans les quelques années à venir. Mais ça fait peur tout ça, toujours tout mettre sur les choses artificielles. Ben oui, mais on ne peut pas en avoir peur parce que c'est là. Donc ça ne sert à rien d'en avoir peur, il faut juste le savoir, le contrôler, savoir ce qu'on veut en faire, etc. Parce que ça a beaucoup de qualité et ça va aider énormément de choses. Mmh. Ça va faire des avancées. Est-ce que vous savez s'il y a une pétition qui circule pour manifester contre cette intelligence artificielle justement ? Il y a, oui, une pétition qui est pas pour manifester contre, mais pour alerter, bien sûr. En plus de comédien de doublage, vous êtes aussi voix off. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Ça fait partie de mon métier, c'est-à-dire les documentaires, la pub, les lectures de livres, tout ça sont des parties de mon métier différentes, mais d'autres parties de mon métier. Et c'est quoi la différence avec le doublage? C'est que vous êtes plus libre pour prononcer certaines phrases? Là, la différence, elle est très simple. C'est que le doublage, vous êtes obligé de coller à un personnage, à un acteur, à un texte. Le documentaire, par exemple, vous êtes obligé de caler dans des images, mais c'est vous qui jouez le texte qu'on vous a donné. Donc, vous êtes beaucoup plus libre. La pub, vous êtes en train de créer des petites choses et il faut qu'en quelques secondes, vous donniez de la curiosité ou envie, en tout cas, d'écouter les choses plus avant. Donc, chaque chose a son but et chaque chose a sa façon d'être et toutes ces disciplines sont passionnantes pour ça et très différentes. Pour le livre, c'est pareil. C'est encore autre chose. Dieu sait que c'est important une voix, parce que si vous entendez quelqu'un qui a une voix qui est très désagréable pour lire un livre, vous refermez le livre immédiatement. Alors que si la voix vous emmène, vous transporte, ça devient passionnant et comme un bon podcast ou une bonne fiction, vous pouvez suivre les choses et écouter ça de façon très agréable. Je voulais vous poser une question, c'est quoi la modulation de la voix? Comment ça se travaille ça? Moi, je sais que je l'ai faite beaucoup dans mon travail de théâtre et de comédien en cours, en fait. Vous travaillez des poèmes, vous travaillez pour donner du sens aux choses. Il faut pas juste dire des mots. Il faut appuyer, il faut nourrir avec des pensées, avec des idées, aller au bout d'un sens, aller au bout d'une idée pour que l'idée traverse. En fait, un mot, c'est extrêmement puissant. La voix est extrêmement puissante et un mot, c'est extrêmement porteur. Regardez, d'ailleurs, les orateurs sont souvent remarqués tout de suite, les grands politiques qui ne font pas que lire bêtement un texte, c'est nécessaire pour séduire les gens, pour les intéresser. Donc c'est ça la modulation, c'est arriver à donner du sens à vos mots, à vos phrases. Ah, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'il dit? Sinon les gens ne vous écoutent pas et les mots passent au-dessus d'eux, à côté d'eux, mais jamais dans leur visage, quoi, et dans leurs oreilles. Donc voilà la vraie différence. Et ça se travaille. C'est une question de sensibilité, c'est une question de travail, de répétition, de correction, de quelqu'un qui vous écoute, qui vous donne des conseils, etc., etc. Bien articulé, etc. Ça, c'est de la technique, c'est aussi autre chose, mais ça fait partie de l'ensemble, parce que si vous n'articulez pas, déjà, on ne vous entend pas, on ne vous comprend pas, et on doit faire des efforts, et les gens n'aiment pas faire des efforts, et ça ne se fait pas. S'ils font des efforts, ils décrochent. Donc, il faut que les choses leur arrivent clairement, simplement, et puissamment. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut ajouter. Je voulais vous demander aussi, dans le doublage, il y a une difficulté, c'est que le texte de la bande rythmo peut défiler très vite, donc il faut que vous interprétiez le texte qui défile, et en plus que ça soit synchronisé avec la bouche du personnage. Ça doit pas être facile, ça? Non, c'est pour ça que c'est un métier, et que c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. C'est beaucoup d'expérience, c'est une maîtrise évidemment de la lecture complète. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir du mal à lire ou d'être dyslexique, parce que ça passe pas, c'est pas possible. Et ensuite, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'on lit une première fois la scène, on la regarde, on voit ce qui se joue et on voit en même temps la traduction qui en a été faite en dessous. Et ensuite, par rapport à ça, le cerveau fait le travail de façon à tout appliquer en même temps. Le sentiment, le rythme, les appuis, pour que ça soit en contact avec l'image. Si la personne tout d'un coup lève la tête, donne un coup de menton, parle plus fort, moins fort, chuchote, hurle, etc. Tout ça doit être intégré au sein même de la phrase que vous avez à dire. Donc vous devez repérer tout ça, mettre vos petits marqueurs et tout, et hop, vous refaites directement le tout. Ensuite, votre talent ou votre technique fait que vous y arrivez plus ou moins vite, mais il faut y arriver vite. Et c'est pour ça qu'on a besoin de professionnels, parce que c'est pas un métier où on peut perdre du temps. Les heures de studio coûtent cher, et il faut que les choses soient faites dans la rapidité, mais avec qualité. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre casquette d'acteur. On vous laisse avec Frank Sinatra et Alain Bachung, et on se retrouvera juste après sur le 107. And now the end is near, and so I face the final curtain.

je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Vous êtes toujours sur RGM, je suis accompagnée de Jean-Pierre Michael pour cette nouvelle émission de Chacun sa voix. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Jean-Pierre ? Alors, pour Orly, déjà, pour Jacques Brel, outre le fait que j'adore Jacques Brel parce que je trouve son écriture incroyable, ce que j'aime dans cette chanson, c'est que c'est un film, c'est un court-métrage. Vous avez chaque mot qui est pesé et qui raconte une histoire. Et on parlait tout à l'heure de l'émotion et de ce qu'on doit mettre dans les mots pour qu'ils s'entendent. Si vous écoutez Jacques Brel, chaque mot, il le détache, il le pose pour raconter une histoire. Et Orly, c'est cette histoire de ces amants qui se séparent dans l'aéroport, et c'est quelque chose d'absolument magnifique. My Way, j'aurais pu prendre comme d'habitude de Claude François, mais je trouve que la version de Sinatra, qu'il a donc copiée, puisqu'il a acheté des droits à Claude François, est plus intéressante parce qu'elle parle d'autre chose. Elle parle pas juste d'une liaison et de quelqu'un qui s'en va le matin, mais elle parle de mon métier. Elle parle de quelqu'un qui arrive à Broadway et qui trace son chemin, My Way, et que je trouve que cette chanson a ce souffle-là. Elle commence petit à petit et elle finit en apothéose et elle me porte beaucoup dans ce sens-là. Quant à Bachung, qui est encore une fois un autre style, là on est dans un côté beaucoup plus poétique. Et ces mots me touchent parce que c'est très difficile de parler de poésie ou d'expliquer la poésie, puisqu'elle elle se ressent plus qu'elle ne s'analyse, entre guillemets. Mais c'est pareil, j'ai toujours l'impression quand j'écoute cette chanson d'être dans un train et de voir des paysages défiler, d'avoir des images qui se créent plein de couleurs, etc. Donc voilà, trois sujets différents, trois émotions différentes, et c'est pour ça que je les aime bien. Mais c'est encore une fois des choix très subjectifs, juste pour vous, à ce moment-là, et ça pourrait être trois autres choix totalement différents. C'est pour ça que vous m'aviez mis dans votre mail, c'est très difficile de choisir que trois chansons. Ben oui, bien sûr. On a la chance d'avoir une chanson francophone, ou en tout cas, on avait une chanson francophone de grande qualité, donc c'est très difficile de choisir parmi tout cela. Jacques Brel, c'est difficile de choisir ne serait-ce qu'une chanson, il en a écrit tellement. Absolument, absolument. Depuis quand est-ce que vous êtes acteur? Depuis que j'ai commencé à étudier ça, donc depuis l'âge de 18 ans, juste après le bac, j'ai commencé le théâtre. Est-ce que vous avez déjà fait de la figuration avant de devenir acteur? Absolument, pendant que je faisais mes études, j'ai fait de la figuration. Et j'ai fait de la figuration dans des opéras et ensuite j'ai fait de la figuration à la Comédie Française. À quel moment est-ce que vous êtes dit que vous vouliez faire acteur en plus d'être comédien? C'est la même chose pour moi, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'un acteur vous inspirait? Non, il y en a. Enfin, tous les acteurs, tous les grands acteurs m'inspirent. Ça peut être des gens de théâtre, comme ça peut être des gens de cinéma. J'ai pas de modèle exclusif, mais j'ai beaucoup de modèles différents dans les acteurs. Et si tout était possible, est-ce que vous aimeriez tourner avec Brad Pitt, par exemple? Ah bah carrément, ouais. Bah, je serais très embêté après pour le doublage. Faudrait trouver quelqu'un pour me doubler parce qu'on aurait besoin de sa voix à lui, donc la mienne va disparaître, je crois. Mais il doit parler quelques mots de français puisqu'il habitait dans le sud de la France il y a quelques années, je crois. Il doit annonner quelques mots de français, oui, à mon avis. Ça va être compliqué pour faire tout un film. Oui, à mon avis, ça serait compliqué. Si c'est un film tourné en français, il va avoir beaucoup de mal, je crois. Quel est votre premier rôle important au cinéma? Alors, cinéma, j'en ai jamais fait. Je n'ai fait que de la télévision. Et mon premier rôle important à la télévision, c'était dans un téléfilm pour TF1 qui était sur l'attentat du Petit Clamart, où je jouais Bastien Thiry, celui qui avait manigancé cet attentat contre De Gaulle. C'était en 2002-3, je crois. Avant, j'avais fait aussi un premier rôle dans un épisode de Joséphine Ange-Gardien à ce moment-là. Qu'est-ce qui est différent entre un film et un téléfilm? Aujourd'hui, plus grand-chose. Mais à l'époque, un téléfilm était tourné avec des moyens que le cinéma n'avait pas. Le cinéma avait beaucoup plus de moyens au niveau éclairage, au niveau caméra, de qualité de grain d'image, etc. Alors que la télé avait des caméras comme si vous filmiez entre du VHS et du numérique, si vous voyez ce que je veux dire. La télé avait une qualité d'image beaucoup moindre. Alors qu'aujourd'hui, les télés et les films de cinéma sont tournés quasiment avec les mêmes moyens, c'est-à-dire les mêmes caméras. La seule différence, c'est que quelquefois, ils ont un petit peu plus de temps de préparation et un petit peu plus de temps de tournage. Ils peuvent prendre plus le temps sur chaque jour sans se fatiguer autant qu'on ne le fait à la télé où il faut rentrer des films dans une vingtaine de jours quand on peut le faire en 35 ou 40 au cinéma, quoi. Mais la différence, d'ailleurs, vous le voyez bien, aujourd'hui, il y a des films de cinéma qui sortent sur les plateformes et des plateformes qui sortent au cinéma, quoi. Et ça s'amenuise. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier rôle à la télévision? Oui, c'était, oh là là, je ne sais même plus, c'était un truc avec Serge Lama. Il faisait un petit feuilleton à l'époque et j'avais fait un petit rôle dedans. Ah, personnellement, je vous ne connaissais que par votre voix. Un jour, je suis tombée sur un épisode d'une série familiale qui passait sur une grande chaîne nationale. Vous jouiez le rôle d'un magicien et quand j'ai entendu votre voix, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est Brad Pitt. Ah ouais. Ça, c'est Camping Paradis, mais c'était bien après ça déjà. On parlait de Joséphine Ange-Gardien, justement, vous avez joué deux fois dans la série-là. Ouais. Le tout premier épisode que vous avez joué, vous interprétiez le rôle d'un chauffeur de taxi qui ne savait pas lire. Et la fois suivante, vous étiez un père de famille de deux enfants qui était veuf et qui était tombé amoureux de la professeure de danse de sa fille et qui a essayé tant bien que mal de faire régner la paix au sein de sa famille recomposée. Vous avez joué deux fois dans la même série avec la même actrice, Mimi Mati. Est-ce que c'est plus facile de jouer auprès des mêmes acteurs et actrices ou de jouer avec des personnes différentes? Moi, j'aime beaucoup parce que justement, je viens d'une troupe. J'aime beaucoup retrouver les gens avec qui j'ai déjà travaillé parce qu'on se connaît, qu'il y a moins de, pudeur. On sait tout de suite à qui on a affaire, pourquoi, comment, etc. Mais j'aime beaucoup aussi découvrir justement d'autres personnes. Et c'est l'avantage de ce métier, c'est qu'on ne reste pas tout le temps avec les mêmes et qu'on est souvent confronté à des nouvelles rencontres, des nouveaux comédiens et qu'on est obligé d'échanger tout de suite dans des choses très intimes. Puisque vous pouvez vous retrouver à jouer le mari ou la femme de quelqu'un que vous ne connaissez pas 5 minutes avant. Donc voilà, c'est assez passionnant et fascinant en même temps. C'est ce que je me disais, ça doit pas être évident, par exemple, de jouer un homme amoureux de quelqu'un que vous connaissiez pas, justement. Non, mais ça c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'épreuve du mensonge. Vous avez joué dans des comédies, mais aussi dans des séries policières comme RIS, Police Scientifique ou encore Section de Recherche. Vous avez préféré quoi dans ces registres-là? Plus jouer dans la comédie ou plus dramaturgie? J'avais adoré jouer dans RIS, Police Scientifique parce que c'était le premier grand rôle qu'on m'offrait et que j'avais la série un petit peu avec sur les épaules avec mes camarades et que ça avait été un énorme succès. Et on essayait un petit peu de changer les choses sur le tournage de cette série. Et franchement, c'était passionnant à faire. Donc ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de tournage. Avant de clôturer cette émission, est-ce que vous avez une actualité, Jean-Pierre, que ça soit en tant que comédien de doublage et acteur? Oui, j'ai une actualité multiple en doublage actuellement, puisque j'ai certaines des séries que je reprends régulièrement et qui reviennent, comme Billions, Morning Show et d'autres. Et en théâtre, donc rien n'est signé pour l'instant, et en tournage pour le moment, aucun en vue. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Absolument, vous pouvez me trouver sur Instagram, Twitter, Facebook évidemment, et sur mon site internet jpmichael.fr. J'ai vu via votre site que vous aviez fait une vidéo où on voyait tout ce que vous aviez fait en tant que comédien et en tant que comédien de doublage aussi. Non, c'est un fan qui avait fait ça et je l'ai récupéré, il me l'a gentiment fait, donc moi j'ai pas le temps vraiment de faire tous ces extras-là. Donc elle est pas mise à jour, elle est très ancienne, c'est surtout sur les vieux trucs que j'avais fait, mais je l'ai mise là, comme ça les gens peuvent avoir des idées de ce que j'avais déjà fait là-dessus. J'essaie de maintenir le site à jour avec tout ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est difficile de tout mettre. J'ai vu aussi que via votre site, qu'on pouvait vous faire des demandes pour faire des messages d'anniversaire, etc. Comment ça se passe? Ouais. Ben c'est très simple, il suffit d'aller sur le site, d'aller sur la page concernée. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent tous les jours, est-ce que vous pouvez me faire une dédicace avec la voix 2, avec la masse? Et si j'acceptais tout le monde, je passerais ma journée à faire ça en fait. Donc j'ai décidé de mettre ça en place, ça demande un paiement, de pas très cher, mais qui me permet de prendre le temps de le faire bien. Et surtout de filtrer tous les gens et toutes les demandes farfelues. Fais-moi mon répondeur, dis merci à ma maman, fais ceci, fais cela, auquel je ne peux pas répondre malgré la bonne volonté que je peux avoir. Donc si vous êtes intéressé, vous allez là directement et vous pouvez le faire. Et je vous renverrai ça par mail juste après. J'ai vu que vous aviez une certaine éthique aussi. Oui, parce que je peux pas faire des voix pour des trucs de cul ou des trucs de violence ou des choses comme ça. C'est pas le but du jeu du tout. Je ne fais pas, je me permets de choisir les thèmes qu'on veut me faire faire, puisque je peux enregistrer les messages que vous voulez, pour qui vous voulez. Mais pas ce que vous voulez. Bah, je voulais juste qu'on souligne ça, parce que des fois, il y en a, ils peuvent faire des demandes un peu bizarres. Ouais. Et justement, si moi, je vous demandais de prêter votre voix pour un jingle ou un générique. Alors ça, il faut passer par mon agent voix qui s'en occupe et qui fait ce genre de choses-là. Bien, il vous répondra toutes les choses de ce style, parce que tout dépend de pourquoi, quelle radio, comment, quelle diffusion, etc. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Jean-Pierre? Oh ben, de la santé avant tout, pour pouvoir profiter de tout le travail que vous allez me donner ensuite. Cette émission est maintenant terminée. Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous. Mais merci à vous, c'était très agréable. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si jamais vous venez dans les Vosges, sachez que vous serez le bienvenu dans nos studios. Ah ben, c'est gentil, j'adore cette région, elle est très belle en plus. On a beaucoup de sapins. Oui. Quant à vous, auditeurs et auditrices de RGM, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde. Now go.